Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute. Et bien, et voici tout de suite les titres. Le président du parti Uprona trouve que la CNDH devrait éviter de basculer dans le statut B en 2025. Avis également partagé par le président du parti Kodebou qui trouve que ça regresserait l'image du pays. La passation du concours national de la classe de 9e a débuté ce mardi. Plus de 81 000 candidats étaient attendus dans 907 centres de passation, selon le ministre de l'Éducation. Lors du lancement officiel de ce concours à Changuzo, il a affirmé qu'en général, tout était au beau fixe. Le site de Kabedi, prévu pour l'accueil des victimes des catastrophes, aura la capacité d'accueil de plus de 900 ménages. Une fois aménagé, assure le président de la plateforme nationale de prévention des risques et catastrophes. Il a précisé que ce site abritera principalement les victimes de glissements de terrain. À suivre également dans cette édition, la chronique santé. On vous parlera des infections sexuellement transmissibles avec le gynécologue Gahungu Sylvestre. Eric Wimana assure la mise en onde à la présentation d'Auré Bingabide. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Le gouvernement du Burundi devrait garantir efficacement l'indépendance de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, en mettant en œuvre les recommandations lui adressées par le sous-comité en charge d'accréditation. Appel du président du parti Kodebou après que cet organe de l'Alliance mondiale pour les institutions nationales des droits de l'homme ait recommandé que la CNDH soit déclassée au statut B. Kefani Widi regrette que cela ne fait que regresser l'image du pays, demandant au gouvernement et à la commission de tout faire pour garder le statut A dans les mesures du possible. On l'écoute. C'est une perte énorme pour le pays quand la CNDH risque de perdre le statut A pour être rabaissée au statut B parce que l'image du pays sera ternie en matière de respect des droits humains, mais aussi les appuis techniques et financiers qui étaient accordés à cette commission et pourraient être suspendus. De plus, la CNDH n'aura pas la parole dans le Conseil des droits humains et par voie de conséquence, vous conviendrez qu'il ne pourra pas bien défendre l'image du pays dans ce Conseil. C'est pour cette raison que nous encourageons la CNDH de mettre en œuvre toutes les recommandations qui lui ont été adressées parce que nous espérons que, avant de demander que son statut à lui soit retiré, il y a des observations et qu'on a fait à ce propos. Donc, il serait mieux que la CNDH essaie de corriger le tir au regard de la loi mettant en place cette commission, mais aussi des traités internationaux par là et d'autres catégories de conseils des droits humains. On demanderait aussi au gouvernement de faciliter la tâche à la CNDH et qu'il n'y ait personne qui voudrait lui empêcher de travailler librement. Et s'il y aurait des problèmes dans sa composition telle que nous l'entendons ici et là, je pense que ceux qui sont chargés de la question devraient corriger pour que le pays reste avec une bonne image dans le Conseil des Nations. La CNDH est appelée de s'activer surtout dans cette période qui approche les élections pour que dans la mesure du possible, elle ne bascule pas vers le statut B en 2025. Réaction du président du parti Uprona qui appelle le gouvernement de faire preuve de garant d'indépendance de cette commission. Olivier Ngurunziza trouve que la CNDH devrait travailler sur toutes les violations des droits de l'homme comme elle l'a fait pour les cachots non reconnus par la loi. On l'écoute. Il y a ce que nous apprécions aujourd'hui, il y a une nette amélioration dans les conditions carcérales. Nous avons vu que la CNDH s'est investie pour qu'effectivement les gens qui sont emprisonnés dans les communes et dans les conditions, dans les cachots non reconnus, soient effectivement dans des conditions reconnues par la loi. Mais aussi même ces gens qui étaient emprisonnés dans les documentations où c'était même difficile de les rendre visite, j'ai vu que la CNDH a tout fait. Autre chose que nous constatons effectivement, la CNDH a des difficultés suite à des ingérences politiques. Ces ingérences politiques trouvent faille à partir de la loi. Par exemple, pour la mise en place des commissaires, c'est voté par l'Assemblée nationale réunie avec le Sénat. Alors, la mise en place de ces commissaires, c'est la volonté du parti au pouvoir. Là, ça sera une volonté que le gouvernement, qui sort de la volonté du parti au pouvoir, doit bien comprendre et donner la liberté au CNDH. Autre chose, il y a l'emprisonnement. Oui, des journalistes, des personnes qui disparaissent comme ça. Je pense qu'ils sont débordés. Alors là, il faut améliorer. La CNDH est là pour faire pression au gouvernement, mais aider le gouvernement afin qu'il respecte les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous recommandez effectivement à la CNDH et au gouvernement au cours de cette période pour que, dans la mesure du possible, la commission garde le statut A? Bien sûr, vous savez, en 2024 vers 2025, c'est la période préélectorale, même électorale. C'est là où les esprits se chauffent, c'est là où il y a des disparitions forcées, c'est là où il y a des bavures de droits de l'homme. C'est là où on devrait effectivement voir que la CNDH est à la hauteur. Olivier Ngurunziza répondit aux questions d'Alain Désiré Boukeneza. Il a été récemment recommandé que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, soit déclassée au statut B sur base de certaines allégations. Il est accusé notamment de réticence concernant les dossiers des personnalités politiques, certaines violations des droits de l'homme, la détention des journalistes et de ne pas s'engager avec les organisations de la société civile. Certes, la CNDH garde son statut A jusqu'en 2025, ayant la possibilité de fournir des explications sur base des documents. Et c'est en 2023 lorsque le sous-comité avait décidé de procéder à un examen spécial du statut d'accréditation de la CNDH. En page justice, on vous rappelle que Sandra Mouhoza, journaliste de la Nova Burundi, est détenue à la prison centrale d'Omimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour deux infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril de cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngodi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana, détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a comparu au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza et après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et n'a pas comparu pour l'audience. Après une courte pause, on continue avec l'actualité nationale. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé de 7 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro en ligne. Vous nous retrouvez sur www.isanganiro.org. Dans la suite de cette édition, les élèves de la 9e année, de la 9e fondamentale ont débuté ce mardi le concours national de nom accès à l'école de poste fondamentale au lycée municipal Gikungu et lycée du Saint-Esprit de la mairie d'Objo. Jombora visité ce matin. Les présidents des centres ont indiqué que la passation se déroule normalement. Au lycée du Saint-Esprit, 5 élèves se sont absentés sur 265 attendus pour des raisons diverses. Francine Diokougaï. À 9h30 au lycée municipal de Gikungu, c'est le calme total. L'examen a commencé à 9h d'après le président du centre, Gahino de la Chance. Les 182 élèves venus de trois écoles ont tous répondu au grand rendez-vous. Et le premier jour, donc, les activités sont bien déroulées. Donc, OK, élèves absents. OK, ici au centre du lycée municipal Gikungu, c'est au nombre de 182 élèves. Donc, parmi 85 garçons et 97 filles. Donc, les écoles qui sont rassemblées ici, c'est l'école municipale Gikungu. Il y a encore le Kofo Gikungu, il y a encore le Kofo La Crérière. Donc au début, aucun problème. Nous sommes satisfaits du déroulement des activités puisque nous avons commencé à temps qui était prévu. Au lycée du Saint-Esprit, ils avaient déjà entamé la deuxième épreuve vers 10h. Ils viennent de quatre écoles et sur les 265 lauréats attendus, 5 ont été absents. Aucun autre problème à signaler, selon Abel Ndeokougayo, président du centre. Les premiers moments de la passation de cet examen se sont bien déroulés parce que nous avons commencé à 8h26. Il y a eu un petit chevauchement lors de l'installation des élèves, mais en quelques mois, l'examen s'est bien déroulé parce que l'effectif attendu était de 265 élèves, mais il y a 5 qui se sont absentés. Les écoles qui se sont rencontrées ici, c'est en première position au lycée du Saint-Esprit, l'école intercontinentale de Bujumbura, l'école fondamentale de l'Arc-en-Ciel et l'école fondamentale de la Colombière. Le concours national édition 2024 qui a débuté ce mardi va durer 3 jours. Francine Ndihokougaïa, en province à Karoussi, 2370 élèves de la 9e de l'école fondamentale de la province Karoussi ont passé le concours national aussi depuis ce mardi dans cette province scolaire. Le concours se déroule dans 29 centres de passation sous une surveillance d'une centaine de personnes, comme le confirment les responsables de la direction provinciale. Ceux-ci affirment que même les préparatifs à ce concours se sont bien passés, que ce soit pour les enseignements, le côté logistique et le personnel le nécessaire. C'est au moment où la même direction provinciale vient de passer 9 ans se classant la première au classement de réussite à ce concours de certification et d'orientation de 9e année. Dirigeons-nous en province Changmuzhou où le ministre de l'Éducation a lancé ce concours. François Avdalimane a indiqué que 81 429 candidats étaient attendus et dont 907 centres de passation. Il a également ajouté que les préparatifs ont connu quelques petites difficultés liées aux véhicules de transport des colis de copies d'examen. On l'écoute. Nous venons de procéder au lancement du concours national de certification et d'orientation à l'enseignement fondamental à l'endroit des élèves de 9e année. Au total, 81 429 candidats, dont 22 élèves à besoins spéciaux, participent à ce concours. Ils sont dans 907 centres de passation et sont surveillés par 3306 enseignants. Et de manière globale, ce concours se déroule normalement. On n'a pas encore signalé d'incident majeur qui aurait perturbé le bon déroulement du concours national. Seulement, nous avons pu enregistrer juste un petit problème lié au problème de véhicules qui transportaient les colis d'examen et les véhicules qui sont tombés en panne, mais la situation a été vite rétablie pour éviter que le concours national soit perturbé. Un autre problème que nous avons enregistré, c'est en mairie de Bujumbura, où certains élèves qu'on avait chassés de l'école, suite au fait qu'ils avaient avancé de classe illicitement, ils se seraient présentés aux salles d'examen et nous avons donné une orientation de les laisser travailler, mais nous voudrions porter à leur connaissance que les résultats qu'ils vont avoir vont être directement annulés parce que pour cette année scolaire, ils ont été renvoyés de l'école. Nous voudrions profiter de cette occasion pour encourager les élèves pour encourager les candidats à travailler sereinement, parce que le concours national, il s'agit d'une évaluation comme toutes les autres évaluations. Nous les encourageons à travailler sereinement pour qu'ils puissent avoir une bonne note qui leur permettra de passer à l'enseignement post-fondamental. François Abdalimana, il est ministre de l'Éducation. Le site de Kabezi prévu pour l'accueil des victimes des catastrophes aura la capacité d'accueil de plus de 900 ménages une fois aménagé. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, le président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes révèle que ce site abritera principalement les victimes de glissements de terrain. Le général de brigade de police Aniseni Baruta précise qu'elles atteignent actuellement plus de 850 ménages dans les montagnes qui surplombent la plaine de Limbo. On l'écoute, il est au micro de Jean-Marie Vianing Dakouman. On n'a pas encore commencé à aménager le site de Kabezi. On a concentré les efforts d'abord sur le site de Gisagara de la commune Mubimbi. Et quand on aura terminé cette opération sur ce site, on ira vers Kabezi. Kabezi aura aussi à recevoir les ménages qui sont victimes d'un glissement de terrain de la colline Gabaniro dans la commune de Mouhouta. Aussi, à côté de ces ménages qui sont en déplacement à cause des inondations, nous avons 854 ménages aujourd'hui qui sont victimes d'un glissement de terrain depuis la Chibitoke jusqu'à Rumongue, dans ces montagnes qui surplombent de manière abrupte la plaine de Limbo. Nous avons beaucoup de ménages qui sont localisés dans la commune de Mouhouta, Kabezi, ici, à côté, dans les localités de sur le réseau, nous avons beaucoup de ménages qui sont victimes d'un glissement de terrain qui doivent aussi bénéficier d'un programme de délocalisation parce qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur zone d'origine. Et ce site aura quelle capacité d'accueillir? Le site de Kabezi, selon les projections de l'Oboa, aura à accueillir 912 ménages. Mais quand on commence à aménager, on constate qu'on peut avoir beaucoup plus de terrain. Donc on a espoir qu'on aura à accueillir beaucoup plus que ça. Radio Isanganiro, chronique santé. Les infections sexuellement transmissibles sont des infections pouvant être transmises lors des relations sexuelles sans protection, causées aussi par des bactéries, des virus, selon le gynécologue Garungo Silvestre. Il affirme que la tranche d'âge qui attrape souvent ces infections se trouve entre 24 à 49 ans, mais que des jeunes qui ont des comportements à risque sont confrontés à ces maladies. Il appelle les parents à dialoguer avec leur enfant pour prévenir de tels comportements. Sheira Irambona. Selon les explications du gynécologue Garungo Silvestre, les infections sexuellement transmissibles IST se manifestent différemment, que ce soit chez l'homme ou la femme. Chez l'homme, ça se manifeste par un écoulement urétral anormal et aussi par des brûlures mictionnelles. Et chez la femme, c'est un écoulement vaginal ou communément appelé des pertes vaginales, d'odeurs et de couleurs inhabituelles, donc anormales, et aussi qui sont manifestées par des douleurs au cours des rapports sexuels. Ces infections sont généralement attrapées par des gens ayant des comportements à risque, ajoute-t-il. Et ces comportements à risque, effectivement, qu'on appelle des facteurs de risque, ce sont ces gens-là qui ont des partenaires multiples parmi ces infections sexuellement transmissibles. Comme je l'ai dit, il y a des infections qui sont dues à des parasites, bactéries, mais aussi d'autres infections d'origine virale. Donc, ces d'origine virale sont incurables. Donc, regardez chroniquement, par exemple, l'hépatite B, le virus de Human Papillomavirus, le VIH et ce qu'on appelle les herpès simplex. Ce virus, ça ne se guérit pas, mais les autres se guérit par l'utilisation des antibiotiques. Les gens étant sexuellement actifs qui sont dans la tranche d'âge de 24 à 49 ans sont parmi ceux qui attrapent souvent ces infections. Le gynécologue Garungo Silvestre indique que les jeunes ayant un comportement à risque peuvent également attraper ces infections et d'appeler les parents à dialoguer avec eux pour prévenir de tels comportements. Pour qu'ils ne puissent pas attraper ces IST, il faut que les parents effectivement enseignent leurs jeunes en matière de sexualité. Il ne faut pas que la sexualité soit tabou, il faut que les jeunes soient au courant. Comme ils viennent un peu tardivement, le risque de tenir, c'est quoi? Ça pourra se manifester effectivement après le mariage, notamment si ces IST ne sont pas méconnus. Et le diagnostic est un peu tardif, mais si on n'est pas traité très précocement, le risque c'est l'infécondité, donc les avortements à répétition, les grossesses extra-utérines, mais aussi les cancers. Au moment où très peu de personnes ont la culture de se faire consulter par un gynécologue pour prévenir ces infections, le docteur Garungo Silvestre conseille aux gens de se faire consulter au moins une fois par an pour voir leur état de santé. Et c'est ainsi que ce journal prend fin. Merci pour votre oreille attentive fidèle. À la présentation d'Henri Bingabilé, Rico Human assurait la mise en onde. Restez penchés sur nos ondes.